Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour honorer cette semaine de célébration des sciences et de la recherche sur les océans au Canada, j'ai décidé d'aller à la rencontre de l'unité de recherche TACUVIC à l'Université Laval. Les thèmes de recherche de TACUVIC portent sur l'Arctique et notamment sur les océans, les milieux marins, côtiers et comment ils se transforment sous l'effet des changements climatiques. Alors, je suis entourée de quelques membres de TACUVIC et je vais commencer par un tour de table pour les présenter. Nous avons donc Philippe Archambault, professeur en écologie marine, qui étudie les perturbations et les changements globaux et leur effet sur la biodiversité marine. Il est également co-directeur scientifique d'ArcticNet. Bonjour Philippe Archambault. Bonjour. Également Elliot Drejoux, qui est étudiant au doctorat et qui étudie les impacts des activités humaines sur les écosystèmes côtiers. Bonjour Elliot Drejoux. Bonjour Valérie. Et également Joannie Ferland, qui est assistante de recherche et qui nous rejoindra un peu plus tard. Alors là, je parle de TACUVIC, mais c'est un mot un peu étrange. Alors, avant de plonger dans les océans, je vais demander à Philippe Archambault qu'il présente TACUVIC. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, TACUVIC, et quels sont les principaux champs de recherche de TACUVIC? TACUVIC est une unité mixte internationale, c'est un partenariat créé en 2011, donc au début 2011, entre l'Université Laval et le Conseil national de recherche scientifique, donc en France. Donc c'est un regroupement de chercheurs, d'environ 15 de professeurs, plus à peu près le même nombre de professionnels de recherche et un très grand nombre d'étudiants, qui vont se pencher sur des questions très, très actuelle, surtout reliée à l'Arctique. Mm-hmm. Et en particulier, TACUVIC regarde tous les perturbations qu'on peut voir dans l'Arctique qui vont avoir des répercussions sur la faune, sur la flore, sur l'environnement, mm-hmm. ou même sur les géosystèmes. Et tout ça, bien entendu, autant en milieu aquatique, donc en eau douce ou en marin, ou encore en milieu terrestre. Donc, parce que tous ces milieux sont vraiment interconnectés. Est-ce qu'il y a une composante humaine également pour regarder comment ces perturbations vont avoir des effets sur les communautés qui vivent dans le Nord? Oui, définitivement. On ne voit pas comme l'humain exclu de cet écosystème. On est partie prenante de cet écosystème. D'accord. Alors, après cette présentation de TACUVIC, on va plonger dans les océans. Alors, quand on parle de l'Arctique, on pense à l'océan Arctique, mais il ne faudrait quand même pas oublier que le Canada est aussi bordé par l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Alors, est-ce qu'on peut commencer par un survol des océans qui entourent le Canada et montrer brièvement la diversité des milieux marins, en termes peut-être d'écosystèmes, de climat ou de milieux de vie? Il ne faut jamais oublier, et je pense que c'est un très bon point, le Canada est entouré d'océans. Même, on pourrait même changer le drapeau canadien et ajouter une barre rouge en haut et en bas. Parce qu'on pourrait même considérer le Canada, entre le Canada et les États-Unis, on a les Grands Lacs, qui sont une immense mer en soi, plus le Saint-Laurent qui divise le Canada des États-Unis en grande partie. Lorsqu'on regarde, je vais en parler seulement des trois, donc du Pacifique en premier, très, très différent. Le Pacifique qui est une mer qui n'a jamais de glace, très, très productive comme milieu à cause d'un courant chaud, le Kuroshio, qui vient de l'Asie, qui vient frapper les côtes. Et c'est pourquoi on a une si belle végétation luxuriante du côté ouest du Canada. Oui, c'est vrai que c'est très différent. Et avec aussi une population beaucoup plus faible du côté ouest que lorsqu'on regarde du côté est, du côté de l'Atlantique. Lorsqu'on regarde l'Atlantique maintenant, très grande mer, très grande zone qui a été énormément exploitée pour ses ressources, au niveau des poissons, au niveau des pêcheries, un milieu très, très aussi qui est la rencontre entre le courant chaud, le fameux Gulf Stream qu'on entend parler, et les courants froids du Labrador qui viennent, ce qui fait une eau excessivement riche, donc en biodiversité, mais également en nutriments, et c'est pourquoi on a eu aussi longtemps des très grandes pêcheries. Mmh. Et lorsqu'on monte au nord, donc l'Arctique, tout l'ensemble de l'Arctique canadien, il ne faut jamais oublier que les côtes de l'Arctique canadien correspondent à 10% des côtes mondiales. C'est énorme. C'est beaucoup. Et ça, c'est dans nos eaux, avec des milieux très, très côtiers, des milieux très profonds, une diversité d'habitats. Et cette fois-ci, on a un couvert de glace à certains endroits qui sont permanents. Donc, trois océans qui bordent le Canada et qui sont vraiment avec des caractéristiques très différentes l'une de l'autre. Oui, puis je pense que c'est bien de le souligner, même quand on regarde, quand on pense juste l'Arctique, entre le nord, au nord d'Elsmer, de l'île d'Elsmer, par exemple, et la baie du Tsong, j'imagine que c'est des conditions complètement différentes. Exactement, c'est totalement différent. Un point tel que lorsqu'on va souvent en Europe, je fais une présentation sur laquelle on va placer Londres sur Victoria, donc le côté le plus à l'ouest du Canada, et lorsqu'on prend St. John's de l'autre côté, eh bien, c'est Bagdad. Ah oui. Donc, c'est à quelques centaines de kilomètres de Bagdad. Donc, vraiment, ces trois océans, donc ont des caractéristiques vraiment différentes et aussi du nord au sud, comme vous l'avez bien mentionné. Alors, on va plonger maintenant dans le vif du sujet pour s'intéresser à la vie dans ces océans et en commençant par ce qui est invisible, donc le plancton. Et là, je me tourne maintenant vers Joannie Ferland qui nous a rejoint. Alors, Joannie, le plancton, en fait, c'est quoi? C'est animal? C'est végétal? Est-ce qu'il y a des bactéries? Est-ce qu'il y a des virus? Qu'est-ce qu'on appelle le plancton? Alors, c'est une très bonne question. Toutes ces réponses sont bonnes. Le plancton, c'est un mot grec planktos qui veut dire errant. En réalité, en définition générale, on va parler de tout ce qui est incapable de lutter contre le courant. Et cela a différentes tailles, donc ça peut être aussi gros qu'une méduse et aussi petit que microscopique les bactéries, voire les virus. Ah oui, c'est aussi gros qu'une méduse. Parce qu'une méduse ne peut pas lutter contre un courant, elle erre. Donc ça erre au gré des courants. Absolument. D'accord, mais il faut quand même que ça reste dans des zones où elle peut vivre, où il peut vivre, il ne peut pas aller n'importe où. Non, effectivement. Donc le plancton, par définition, vit dans les eaux douces, dans les eaux salées, dans les eaux saumâtres. Donc dans tous les cours d'eau, on va retrouver du plancton en très grande quantité. Alors, on parle du plancton, mais bon, comme on le dit, là, il y a quand même une grande biodiversité. Est-ce que vous êtes capable de nous donner un ordre de grandeur de cette biodiversité? Combien il y a d'espèces de plancton? En fait, il y a les espèces, donc la biodiversité, mais il y a aussi les compartiments. Donc, on est encore en train de découvrir de nouvelles espèces. Je vais référer à une mission qui s'appelle Tara, qui a fait le tour de tous les océans, incluant l'océan polaire, de 2009 à 2013, et qui avait pour objectif de caractériser cette biodiversité de tous les océans au niveau du plancton. Donc, le plancton a une composante végétale, le phytoplancton, une composante animale pour le zooplancton, une composante bactériologique, donc pour le bactérioplancton, et aussi pour tout ce qui est virus, tout ce qui est microscopique. Donc, il y a plusieurs tailles qu'on divise par qu'on compartimente par taille, mais aussi par niche écologique. Qui fait quoi? Donc, on parle de, par exemple, dans un lit d'eau, il pourrait y avoir plus d'un million de cellules de plancton. On parle de plus de 100 000 espèces aujourd'hui identifiées. Mon chiffre est probablement pas à jour au niveau des quantités, mais tout est encore à découvrir avec l'avenue des nouvelles technologies qui nous permettent de voir de plus en plus petits, si je puisse dire, de découvrir des nouvelles zones comme les abysses. Il y a de la vie partout. Lumière, pas de lumière, oxygène, pas d'oxygène. À chaque fois qu'on accède à un nouveau territoire, il y a des nouvelles formes de vie. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est tout ce qui est planctonique. Donc, comparativement aux benthos, les organismes qui vivent au sol, donc ils ne se déplacent pas, ou les poissons qui peuvent lutter contre les courants, les baleines, tout ça, c'est pas du plancton. Donc, on a une grande variété de tailles, mais on s'en tient à tout ce qui ne peut pas lutter contre le courant quand on parle du plancton. Mais d'un autre côté, donc, toute cette diversité de plancton, il y a tellement de milieux, de conditions de vie différentes dans tous les océans. Donc, à chaque écosystème, chaque petit milieu de vie marin correspond à un certain nombre de planctons. Il y a vraiment des planctons qui sont afféodés à certains écosystèmes marins. Absolument. Et puis, on va utiliser certaines espèces, par exemple, comme des biomarqueurs. Si on veut suivre, par exemple, l'intrusion des eaux atlantiques dans l'océan Arctique, on va aller chercher à découvrir certaines espèces types, caractéristiques d'environnement plus chaud, qu'on pourrait voir entrer, pénétrer dans des zones où on ne les attend pas particulièrement. Ah oui. On va pouvoir aussi associer différents planctons à différentes zones, comme les sources, les zones, les fosses abyssales, où on a des environnements qui sont aphotiques. Donc il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Où est-ce qu'il y a du soufre, il y a très peu d'oxygène. Et ce plancton-là va participer à la régulation de l'environnement, à la création d'un environnement où vivra d'autres... Ben justement, ça m'amène à ma question suivante, parce que donc, le plancton, on imagine, c'est des toutes petites bêtes, c'est un peu à la base de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, qui n'est pas vraiment une chaîne d'ailleurs, mais plus un réseau. Exact. En fait, pourquoi c'est important le plancton? Il y a plusieurs raisons. Comme tu l'évoques, Valérie, c'est la base du réseau alimentaire. Donc, à partir de la lumière, de l'énergie du soleil, ces plantes microscopiques vont absorber le dioxyde de carbone et vont produire de la matière organique pour nourrir tout le reste du réseau trophique, en plus de produire de l'oxygène par le processus de photosynthèse. Donc, non seulement elles nourrissent l'ensemble du milieu océanique ou du milieu lacustre, limnologique, les lacs, mais en plus, comme la planète est couverte en majorité par de l'eau, bien que ce sont de petits organismes microscopiques, à eux seuls produisent 50 % de l'oxygène que toi et moi on respire. Ah, oui. Donc, elles ont un impact très important. Donc, ça nous nourrit, nous aussi, en oxygène. Oxygène et en nourriture, puisque dans le fond, le petit plancton sera mangé par le moyen plancton, par les petits poissons, et ainsi jusqu'à l'homme, qui, nous, on mangera des poissons, on mangera des... peut-être pas nous, mais des mammifères marins. Il faut savoir que, par exemple, comme la grande baleine bleue se nourrit exclusivement de zooplancton. Donc, s'il n'y avait pas de plancton, il n'y aurait pas de vie dans les océans. Donc ça, c'est très important. Elles ont aussi, ces organismes ont un rôle très important pour la régulation du climat. Mm-hmm. Je pense au cycle du carbone, je pense au cycle du soufre. Donc, par le processus de photosynthèse et... par l'intégration du carbone, elles ont le potentiel de prendre le carbone atmosphérique en excès et de pouvoir aller l'enfouir dans les sédiments. Ah, oui. Ou alors, par respiration, si dans une zone où il y a énormément d'activités bactériologiques, énormément d'activités vivantes, où il y a de la respiration, il pourrait y avoir une réponse inverse où est-ce que l'océan deviendrait une source de carbone. Ah, oui. Donc, à l'aide de l'étude du plancton et du cycle du carbone par le phytoplancton, à ce niveau-là, on est capable d'étudier ou d'avoir une idée du rôle de certaines zones océaniques, à savoir est-ce que ce sont des sources ou des puits de carbone, le carbone étant à ce moment-là considéré comme un gaz à effet de serre qui participe à la régulation du climat. Il y a d'autres rôles par le cycle du soufre, par le cycle des nutriments, où le plancton a un rôle clé pour la régulation de l'écosystème. Donc, je comprends mieux là pourquoi dans les études de Tachovic, on voit le mot plancton qui revient si souvent. Si petit, mais si important. Voilà, c'est ça. Donc, comment on fait pour étudier le plancton? Parce que justement, c'est tellement petit, on ne peut pas aller le compter tout le temps dans des litres et des litres d'eau. Donc, comment on fait pour étudier le plancton? Et il y a plusieurs techniques. En fonction de qu'est-ce qu'on étudie, de quel compartiment du plancton on étudie, on va utiliser plusieurs sortes de filets ou de techniques. Donc, si on est directement à l'eau, on va utiliser des fois des bouteilles, on va ramasser l'eau pour pouvoir faire des filtrations en laboratoire sur des filtres, un peu comme des filtres à café. On va pouvoir aussi, si on parle du zooplancton, laisser aller à l'eau un filet, comme si on voulait attraper du poisson, mais dont la taille des trous de la maille sera différente en fonction de ce qu'on va vouloir étudier comme taille de plancton. On peut aussi être très novateur et quand on est au large des océans, le phytoplancton absorbe de la lumière. Donc, si on prend les images satellites, par exemple, qui, eux, circulent autour de la planète Terre chaque jour et sur toute la surface de la planète Terre, on est capable de voir au large et même près des côtes avec des corrections mathématiques, à savoir combien de biomasse de phytoplancton réside à chaque endroit. Parce qu'on voit, ça fait comme des nappes de plancton qu'on est capable de voir, distinguer par la couleur. Par la couleur des océans, donc qui est utilisée, dont on est capable de lire par la lecture des pixels sur une image. Et là, on parle de la chlorophylle A, qui est présente dans tous les organismes végétaux, ou presque, et c'est ce pigment qui nous permet d'avoir une mesure indirecte de la quantité de biomasse présente un peu partout où il y a une surface d'eau. Donc, qui nous permet d'inférer sur la productivité de certaines zones versus d'autres zones, et qui nous permet aussi d'avoir une idée sur ce grand cycle du carbone sur lequel généralement, on base les calculs à partir de la chlorophylle et on en dérive d'autres paramètres. Mm-hmm. Je peux parler aussi, par exemple, des calculs qui sont faits pour calculer la quantité de matière en suspension, qui est importante, combien de sédiments partent de la terre vers la mer. C'est un projet... On n'est plus dans le plancton? On est indirectement lié à l'univers du plancton. Ah oui, parce qu'il se nourrit de ces sédiments? En fait, le plancton, surtout le phytoplancton, c'est une plante. Il a besoin de lumière et de nutriments pour pouvoir vivre. Donc, sans lumière, sans nutriments, la partie végétale du plancton ne pourra pas croître et donc ne pourra pas compléter son rôle ou ses rôles plutôt dans l'environnement. Donc, en pouvant caractériser son environnement en température, en salinité, en nutriments, en matière en suspension, parce que ça va réduire la quantité de lumière disponible dans certaines zones, on va pouvoir avoir une meilleure idée de comment certaines zones, pourquoi certaines zones sont plus productives ou d'autres, ou pourquoi dans une même zone, il y a des changements soit saisonniers ou interannuels. Oui. Donc, ces satellites, ces outils novateurs vont nous permettre de faire... de la climatologie ou parler de tendance parce qu'on peut retourner dans le temps et aller dans le futur sur des grandes échelles spatiales et temporelles. Donc, Tachovic a un intérêt particulier, tant physiologique que écosystémique, par le biais de différents outils, tant laboratoire que novateur avec les images satellites. Donc, avec les images satellites, on arrive à avoir des images globales, mais on ne sait pas toujours si c'est vraiment une relation de cause à effet entre ce qu'on observe, les nutriments, la production, la quantité de plancton qu'il y a. Puis peut-être qu'après, en laboratoire, on va aller refaire des expériences pour voir si, il y a bien une relation entre un facteur et une observation. D'une part, et d'autre part, pour pouvoir valider ces images satellites, on est toujours sur le terrain à prendre des données de l'écosystème entier. Donc, en plus de pouvoir utiliser ces données terrain pour valider les images satellites, on a en plus une idée réelle de ce qu'est l'environnement au moment où on a prélevé les échantillons, comme toute mission scientifique qui a lieu. Mm-hmm. Et pour les environnements arctiques, où on travaille principalement, c'est un outil d'autant plus puissant, puisque c'est très cher et logistiquement compliqué, des fois difficilement accessible, de pouvoir se rendre sur place, même si on le veut, pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe à un moment particulier. Donc, la combinaison de plusieurs méthodes nous permet d'avoir des portraits assez complets et les études pluridisciplinaires et internationales nous permettent aussi de jumeler les expertises et les efforts, soit financiers ou logistiques, pour pouvoir répondre à des questions. Écrire une histoire complète avec l'expertise à la pointe de la technologie de chacune des équipes périphériques au projet. Et là, donc, est-ce qu'on a assez de recul pour voir des changements dans, je ne veux pas dire le comportement, mais la place du plancton, des différents types de phytoplancton autour dans les océans qui entourent le Canada? Est-ce qu'on est capable de voir des changements? Actuellement, parler de tendance est un peu difficile. Par contre, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a une diminution de l'étendue de l'épaisseur de glace au niveau arctique. Ouais. Et jusqu'à maintenant, on pensait que quand il y avait de la glace, il y avait peu de lumière qui pénétrait dans l'océan et donc il y avait peu de vie. Parce que pas de lumière, peu de photosynthèse. Alors, on commence à démystifier ou en fait se rendre compte qu'il y a quand même de la vie avec très peu de lumière sous qui la glace. À travers avec qui passe à travers la glace, à travers la neige. Et voilà. Donc, la vie commence avant que les océans soient libérés de glace. Ouais. Donc là où je veux en venir, est-ce qu'on a une idée? On est en train de démystifier ou de mettre à jour la séquence de productivité des océans. Et avec plus d'océans libres de glace, sur une plus longue période, parce que la prise des glaces et le dégel des... il y a une fonte des glaces active et un gel tardif. Donc, une période où la photosynthèse peut être étirée ou plus active. Mais il n'y a peut-être pas plus de nutriments. Donc, on a beaucoup de questions actuellement en suspens. Où est-ce qu'on n'est pas... Il n'y a pas de tendance actuelle qui nous permet de dire est-ce que, en chiffres, est-ce qu'il y a plus ou moins de biomasse. Par contre, on se rend compte que l'Arctique commence à ressembler à un écosystème plus boréal, puisqu'on généralement, en Arctique, on s'attend à avoir un moment dans l'été où il y a un maximum de croissance et après, la fenêtre de croissance est trop courte et c'est fini. Alors, ici, par exemple, dans le secteur où on est, on voit un bloom au printemps et on voit un bloom à l'automne. Et on commence à voir à quelques secteurs en Arctique des endroits où on a ces deux moments de floraison printanière et automnale, ce qu'on voyait moins avant, en plus de percevoir les floraisons sous la glace. Donc ça, c'est des informations, des connaissances nouvelles qu'on tente de caractériser. Donc oui, il y a des changements. Parler de tendance, c'est peut-être un peu hâtif. Parce qu'on n'a pas encore fini de caractériser l'état actuel, donc c'est difficile de voir. Exact. Et pour parler de tendance, on parle d'un besoin d'une dizaine, d'une vingtaine, de plusieurs décennies. Et là, on commence à avoir accès à ce genre d'informations par les données terrain et par les images satellites. Bien, on vous sent très volubile sur les planctons. on voit bien en fait que c'est à la base de tout, finalement, tous les écosystèmes terrestres, autant par leur... intégration, relation avec le réseau trophique que par la régulation du climat. Voilà. Alors, tous ces éléments sont interreliés. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça perturbe les écosystèmes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir après la pause. Merci beaucoup, Johnny. Avec plaisir. Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, c'est Valérie Levé qui vous parle. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en pleine émission spéciale Océan dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique, dont le thème cette année est les océans. Et pour parler des océans, je suis avec quelques membres de l'unité de recherche TACUVIC à l'Université Laval et je les présente à nouveau rapidement. Donc Philippe Archambault, Joanny Ferland et Elliot Drejoux. Alors en première partie d'émission, on a présenté la diversité des écosystèmes marins et côtiers du Canada. Dans ces écosystèmes, on peut dire que les espèces animales et végétales vivent dans une sorte d'équilibre en étant adaptées à des conditions environnementales, mais aussi au sein de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc on comprend que si un maillon de la chaîne disparaît ou si une condition environnementale change, ça a des conséquences sur tout l'écosystème et finalement l'écosystème est perturbé. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie d'émission. Et Philippe Archambault, avec les changements climatiques en cours, on peut dire que les écosystèmes ont de quoi être perturbés. Tout à fait. On parle des changements climatiques, mais les changements climatiques, c'est une petite part de l'iceberg, parce que c'est vraiment des changements globaux maintenant. Mm-hmm. Et il faut faire la distinction. Les changements climatiques, c'est ce qui va toucher un peu, on va mentionner la température, des changements de conditions un peu météo qu'on observe, la disparition de la glace à cause que la planète se réchauffe, donc notre air. Mais en même temps, tous les humains, on est de plus en plus interconnectés. On a de plus en plus de navires qui partent de l'Europe, de l'Asie vers le Canada. On rêve de passer à travers ce fameux passage du Nord-Ouest en Arctique. Donc, c'est plus de navires, donc plus de bruit qui influencent sur l'environnement, et ce n'est pas lié au changement climatique. On a aussi le transport de ces petites, je vais appeler ça, cette faune des fois indésirable qu'on appelle souvent les espèces envahissantes, oui. qui peuvent être dans les eaux de ballast de ces navires ou encore sur la coque, et qui vont se déplacer. Mmh. Puis qu'ils peuvent peut-être venir d'eux-mêmes aussi, parce qu'ils vont trouver des conditions plus accueillantes maintenant. Exactement, elles peuvent être transportées, mais si les conditions ne sont pas accueillantes, ils n'auront aucune survie. Mm-hmm. Mais si les conditions, à cause des changements climatiques, deviennent favorables, elles vont pouvoir s'établir et peut-être causer des dommages majeurs à l'environnement et à nos écosystèmes mm-hmm. autour du Canada et de l'Arctique. On pourrait même ajouter, après ça, toutes les conditions. On entend parler de plus en plus du plastique dans les océans. Oui, c'est vrai. Et on parle aussi des contaminants. On parle aussi de tous les pharmacopées, donc toute la pharmaceutique. Hein? Le mercure, est-ce le que mercure, ça, de moins en moins, on le voit de moins en moins. Mm-hmm. Mais on va voir, par exemple, tous les médicaments qu'on prend, on finit par le... Même en Arctique? En Arctique, on n'a pas encore mesuré, ouais. parce qu'on n'a pas encore pris des mesures. Mais souvent, le long du Saint-Laurent, du ouais. Golfe du Saint-Laurent, ça se retrouve dans les océans. Et tout ça n'est pas arrêté, n'est pas filtré. On ne peut pas retirer certaines composés dans l'eau. Et ça va avoir des influences majeures. Et on le voit de plus en plus dans certains secteurs. Donc, surtout, on est proche de grandes villes. Mmh. Et donc, tous ces paramètres-là viennent donc influencer. Et ceux-ci peuvent interagir. On parle autant du bruit, de la pollution, des changements de température, la diminution de l'oxygène dans les océans. On le voit de plus en plus à certains endroits. Et ces événements-là, ou ces stresseurs, j'aimerais mieux dire, peuvent interagir entre eux et augmenter, être synergiques. Ah oui. Et on pourrait même les avoir antagonistes dans certains cas. Et c'est ce qu'on veut tenter aussi d'étudier et de mieux comprendre. Tous ces changements-là sont majeurs présentement. C'est pour ça que je parle de changements globaux versus climatiques aussi. C'est intéressant, effectivement. Mais justement, c'est tellement globaux, puis il y a tellement d'éléments stresseurs, puis on comprend aussi que bon, la biodiversité, ce n'est pas juste une espèce, c'est des milliers d'espèces, on peut dire, j'imagine. Oui, bien, pour le Canada, seulement pour le Canada, on parle de près de 20 000 espèces qu'on a recensées, espèces. Donc dans le milieu marin. Et même souvent, on a fait une comparaison, hein, puis j'aimerais même que les auditeurs puissent visualiser. On pense toujours que le milieu arctique, il y a moins d'espèces, que c'est pauvre parce que mm-hmm. c'est un milieu. Il ne faut jamais oublier que c'est un milieu difficile pour nous. Mais les espèces qui y vivent sont adaptées oui. pour vivre là. L'ours polaire ne vivrait pas en Floride. Et même si nous, on aimerait bien vivre là, exactement. Mais il est adapté à son milieu. Et lorsqu'on prend le même effort de travail pour les trois océans canadiens, on s'aperçoit que l'océan Arctique canadien, dans les zones canadiennes, est égal ou même certains groupes sont plus diversifiés. Donc, on a plus d'espèces dans l'Arctique que dans l'Atlantique et que dans le Pacifique. Mmh. Donc, c'est assez surprenant parce que, et un des groupes les plus diversifiés, c'est ce qu'on appelle les organismes benthiques, donc, qui vivent en association mmh. avec le fond marin. Mmh. Donc tout ça, ça forme quand même quelque chose de très, très complexe, toute cette biodiversité, ces stresseurs qui peuvent perturber toute cette biodiversité. Puis on ne peut pas tout étudier d'un coup. Donc comment on fait, par quel bout de la lorgnette on observe ces perturbations? Est-ce qu'on regarde des stresseurs en eux-mêmes ou est-ce qu'on regarde les animaux, la biodiversité, puis on voit des changements? Comment on fait? Elliot, peut-être? Oui, en fait, effectivement, on va regarder les deux en même temps. C'est-à-dire que nous, on fait de l'écologie, c'est-à-dire de la science de l'habitat, le lien en fait entre les espèces et leur habitat. Et une grande partie de l'écologie va être de regarder un petit peu l'impact de ces activités sur les espèces, donc qui caractérisent les écosystèmes. Dans mon cas, par exemple, moi je me suis intéressé à regarder un peu les impacts de l'homme sur un milieu assez local, qui est situé à Sept-Îles, donc dans le nord du Saint-Laurent. Et le but de cette étude, en fait, est d'arriver à développer des méthodes qui seraient assez globales pour pouvoir les transposer dans d'autres milieux du Saint-Laurent. Donc avoir vraiment des méthodes de gestion ou des méthodes de développement pour avoir une idée, en fait, de l'impact de plusieurs activités humaines sur les écosystèmes. Et en particulier, dans mon cas, ce sont les espèces benthiques, donc les espèces qui sont en lien avec le sédiment. Mmh. Donc, quels sont là, les stresseurs de l'activité humaine dans ce cadre précis à cette île? Alors, dans mon cas, on essaye de regarder les stresseurs, en tout cas les activités humaines, d'un point de vue cumulatif. C'est-à-dire pas une activité à la fois, mais toutes les activités qu'il est possible de recenser en même temps. Donc, je parle, par exemple, du transport maritime, donc les différentes routes des navires qui vont arriver jusqu'au port en eau profonde de cette île. Ouais. On va aussi avoir tous les sites de dragage, donc le sédiment qui est pris dans les ports pour le mettre ailleurs pour permettre l'accès de navires plus profonds avec un plus grand tirant d'eau dans ces milieux-là. On va aussi avoir évidemment les pêcheries, donc tout ce qui va avoir la pêche commerciale, la pêche récréative, et aussi les activités plus municipales, donc comme par exemple le rejet d'eau usée le rejet pluviaux dans l'environnement. Et en fait, tout le défi en fait de ce projet est d'arriver à caractériser chacune de ces activités pour avoir une idée de quel est l'impact qu'elles peuvent avoir d'un point de vue cumulatif sur nos écosystèmes. Mmh. Donc pour ça nous permet de détecter par exemple l'influence spatiale mm-hmm. de chaque activité, mais aussi en quoi est-ce qu'elles se superposent une à l'autre et quels peuvent être leurs effets, mm-hmm. donc comme disait Philippe, sur les effets antagonistes ou synergiques qu'il peut y avoir entre chaque espèce. Mais là, ça demande de connaître donc tous ces stresseurs donc de la part du milieu municipal, de la part des activités Exactement. De pêcherie, et en même temps des observations de terrain pour voir quelles espèces vivent là et qu'est-ce Exactement. Qui se passe. Exactement. On va à la fois donc discuter avec les partenaires industriels, mais aussi avoir des expériences de terrain, okay. donc en partant directement avec notre équipement sur le terrain pour récolter des données. Peut-être pour ajouter à ce que Elliot vient de mentionner, donc on va aller récolter sur le terrain, voir la réalité. Mais bien entendu, Elliot a fait une énumération assez complète des stresseurs qu'on peut retrouver à cette île et dans d'autres océans canadiens. On ne peut pas tous les étudier en même temps. Non. Ça nous prend une autre façon. On peut avoir des expériences de contrôle où on contrôle nous-mêmes, soit en laboratoire ou soit même sur le terrain. On va initier nous-mêmes, produire certaines perturbations et on va suivre celles-ci pour voir la réaction de la faune, de la flore, donc du milieu. Et utiliser ces données-là maintenant pour faire des projections, mm-hmm. un peu pour essayer de simuler ce qu'on va avoir, mais aussi nous projeter dans le futur pour avoir de meilleurs outils de gestion et dire à des gestionnaires, ben, si vous continuez à draguer à ce rythme, donc, et voici les conséquences, voici peut-être ce que vous devriez faire pour diminuer votre empreinte écologique sur le milieu marin mm-hmm. et garder votre milieu le plus en santé possible. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ces différentes approches-là qu'on a besoin d'avoir absolument pour pouvoir suivre notre milieu. Parce que c'est ça, bon, Elliot a des informations sur les perturbations liées aux diverses activités humaines, peut-être des observations sur la faune marine, mais ensuite, est-ce qu'on est capable de déterminer des liens de cause à effet? Et c'est là que donc vous avez besoin d'autres volets de recherche pour faire des activités en milieu contrôlé, pour pouvoir dire, ben oui, c'est vraiment le dragage qui provoque la disparition de telle espèce, par exemple? Oui, tout à fait, parce que pour être certain qu'une activité est responsable, il faut être, dans un certain temps, mm-hmm. aussi l'isoler. Et la seule façon de l'isoler, c'est souvent en recréant nous-mêmes en laboratoire ou par des simulations ces perturbations-là. Voir le taux, par exemple, d'eau douce qu'on va retrouver. Il y a de plus en plus de précipitations. Si on parle de l'Arctique, de plus en plus de fonte de glace qui va avoir un effet directement sur le milieu. Hein, si on met de l'eau douce dans de l'eau marine, on va la rendre saumâtre et éventuellement, si on aurait trop, on redevient de l'eau douce. Donc, cet effet-là, bien, elle est difficile à isoler dans le milieu naturel. Donc, on peut le faire en laboratoire et voir rapidement les conséquences et comment les organismes réagissent et ramener ça donc à des échelles beaucoup plus globales pour voir leur effet. Mais d'un autre côté, vous me disiez, il y a 20 000 espèces. Bon, il n'y a peut-être pas 20 000 espèces à cette île, mais on ne peut pas non plus regarder toutes les espèces. Donc, est-ce qu'il y a des espèces clés sur lesquelles on se penche particulièrement en se disant, bah, s'il y a telle espèce qui disparaît, ça va avoir une influence, on sait que ça va avoir telle influence sur le restant de la chaîne alimentaire ou du réseau trophique? Oui, on va approcher le milieu et c'est une excellente question parce qu'on ne veut pas utiliser toutes les espèces. Ben non. On va chercher ces espèces qu'on va appeler parapluies ou clés. Ouais. Donc, ces espèces-là vont donc être un chaînon ou un nœud très, très important dans un réseau alimentaire. Ça, c'est une première façon. Et aussi, on a des espèces qu'on appelle les espèces modèles. Par exemple, on peut utiliser une espèce modèle très connue pour le milieu marin, c'est le pétoncle. Mm-hmm. Le pétoncle, on le sait qu'il réagit bien, il est très étudié, on connaît, je ne dirais pas tout, mais une très grande partie de son écologie, de sa biologie, et ce qui nous permet de prendre cette espèce modèle, donc c'est un modèle sur lequel on va l'étudier et pouvoir reprendre sa réponse à ces différents stresseurs-là et l'appliquer à plusieurs autres espèces. Et encore une fois, grâce à la simulation, pouvoir avoir une vision plus rapide, plus globale de son effet à travers le réseau trophique complet. Mmh. Donc là, il y a Elliot qui travaille sur cette île, mais j'imagine qu'il y a donc d'autres membres dans l'équipe de TACUVIC qui travaillent sur d'autres milieux, sur d'autres écosystèmes ailleurs, tout autour du Canada? Oui, tout à fait. On travaille à différents niveaux. Sur les trois océans, on a des gens, nous, qui travaillent sur le Saint-Laurent, de Montréal jusqu'à l'entrée de l'Atlantique, pour essayer d'établir l'état de base du Saint-Laurent. Un été, un moment, tout échantillonné, donc les organismes vivant sur le fond marin, pour en faire un indice de qualité de l'environnement. Mm-hmm. Pourquoi? Bien, les organismes benthiques, ceux qui vivent sur le fond, ont cette chance de ne pas bouger. Donc, tout ce qui passe au-dessus d'eux, ils peuvent donc l'assimiler. Donc, ce sont en fait des indicateurs quasi parfaits pour savoir, à cet endroit-là, dans le milieu, quelles sont les conditions environnementales donc, et les stresseurs. On a aussi toute une équipe qui travaille, nous, sur les algues en Arctique. les changements climatiques font que les algues, les grandes algues qu'on appelle les kelps ou les grandes laminaires qu'on voit souvent dans des reportages, donc on les voit de plus en plus vers le nord. Mm-hmm. Elles ont un effet très, très important, structurant. Elles créent une structure dans l'environnement, un peu comme une forêt dans le fond marin, qui permet à plusieurs espèces, dont des espèces clés, comme la morue polaire et plusieurs autres, de pouvoir se cacher des prédateurs et de survivre jusqu'à la taille où elles sont exemptes de prédation et pouvoir réintroduire le milieu et alimenter le réseau trophique. Mm. Donc, on a toute une équipe qui étudie ce type d'algues-là présentement en Arctique. En plus, on tente d'étudier le long du Groenland présentement l'effet des fjords. Donc, ces glaciers qui terminent au bout d'un fjord, mais directement dans l'océan, versus ceux qui ont trop fondu déjà et qui terminent en milieu terrestre. Ah oui. Donc, on a une différence entre les deux. On essaie de comprendre parce que lorsqu'un glacier termine en milieu marin, eh bien, la fonte, si elle n'est pas trop rapide, emmène des nutriments et crée un milieu excessivement productif. Donc, où on le sait que les Inuits vont souvent chasser proches parce qu'il y a eu plus de phoques, plus le réseau trophique est très développé, très, très grouillant de vie. Et lorsqu'on a un glacier qui termine en milieu terrestre, on a beaucoup moins de ruissellement. Et donc, on essaie de voir ces différences-là un peu pour voir quelles seraient les conséquences si de plus en plus de glaciers sont plus terminés en milieu terrestre plutôt qu'en milieu marin. Donc, ça, c'est des grands projets. Et on a un projet aussi fort intéressant sur les coraux profonds. Peu de gens connaissent ça, mais l'Arctique est rempli de coraux profonds, entre 400 et 700 mètres, même un peu plus profond. La majorité se trouve autour de 700 mètres. Vous montrez des photos, c'est aussi beau, tout le monde croirait que c'est dans les Caraïbes. Ah ouais. Donc, on a une étudiante au doctorat qui étudie spécifiquement la structure de ces coraux-là et son effet sur l'environnement. Et on s'aperçoit que la plupart du temps, on a une plus grande biodiversité dans ces milieux parce qu'elle, encore une fois, ces structures sont un peu une mini-forêt au fond de l'océan qui permettent à ralentir les courants, faire tomber plus de nourriture près du fond. Et on a une faune animale très, très différente par ces profondeurs-là. Donc ça, c'est les grands volets. Et on étudie tout ça souvent avant que les perturbations arrivent pour avoir un état de référence. Et aussi, on les suit à travers le temps pour s'assurer que les perturbations ne sont pas trop importantes sur ces milieux. Ben, venons-en donc maintenant à ces perturbations qu'on observe. Donc, je vais revenir vers Elia. Donc, à cette île, suite à toutes vos observations, qu'est-ce que vous constatez comme perturbation? Est-ce qu'il y a des éléments de la biodiversité qui changent? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette île, notre projet, on a essayé de faire ça d'un point de vue un petit peu de l'écosystème en général et de regarder ça à différentes échelles, c'est-à-dire des échelles spatiales, ça va être la taille à laquelle on va considérer notre étude. Et on a eu deux volets de notre travail qui a permis de faire une étude plutôt locale, donc c'est-à-dire en face par exemple des lieux où on sait qu'il y a de l'activité humaine, comme par exemple les ports ou la ville, versus une étude un peu plus régionale où on a pris des régions qui étaient tout autour de cette île pour regarder est-ce qu'il y avait une cohérence ou une variation un petit peu identique de chacun de ces chacune de ces régions par rapport donc à la perturbation humaine. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a pu mettre en évidence qu'il y a quand même une influence, par exemple, d'activité humaine, mais plutôt à une échelle qui est assez locale. C'est-à-dire que actuellement, ce qu'on a pu mettre en évidence à cette île, c'est que la perturbation est quelque chose qui est assez localisé dans l'espace. Et cette perturbation peut être mise en évidence par le fait qu'au niveau donc, de l'habitat, on a un peu plus de matière organique dans le milieu, par exemple. Et les communautés, donc les espèces qui sont présentes dans ce milieu, sont un petit peu différentes. On va avoir, par exemple, un plus grand nombre d'espèces qui peuvent être caractérisées d'opportunistes, donc des espèces qui vont être favorisées par un plus grand par une perturbation du milieu, versus des espèces qui seraient sensibles à la perturbation. Mmh. Et ça, on a pu le mettre en évidence à une échelle assez locale à cette île. Et est-ce que ça se manifeste autant j'essaie de mettre un petit peu de concret, donc des animaux, des mollusques, des poissons, ça se manifeste sur des espèces de quelle taille, de quelle dimension? L'intérêt, c'est que c'est comme l'écosystème est complètement interconnecté par la chaîne alimentaire, c'est que les impacts qu'on va avoir, par exemple, pour les espèces benthiques, c'est des espèces qui sont fréquemment utilisées comme nourriture pour d'autres espèces comme les poissons, par exemple, ou le crabe des neiges, qui est aussi présent au niveau de cette île. Donc, de voir des perturbations sur ces espèces, notamment, je parle par exemple de petits vers, des petits vers qu'on va trouver dans le sédiment, donc qui se nourrissent de la matière organique dans le sable. Si on a des modifications à ce niveau-là, on va pouvoir impacter tout le reste de la chaîne alimentaire par donc, les relations trophiques. Oui, on va avoir beaucoup d'impact, par exemple, aussi sur les pêcheries de cette île à prévoir. Et Philippe, donc, peut-être coups d'œil sur les changements qu'on observe sur les océans autour du Canada? Donc, bien entendu, on ne peut pas passer sous silence la diminution du couvert de glace en Arctique. Oui. C'est un des changements majeurs. C'est l'Arctique qui subit les changements les plus rapides présentement. Donc, avec les conséquences qui sont autant sur les peuples vivants au nord, donc qui utilisent la banquise pour aller sur leur milieu de chasse, qui utilisent la banquise dans leur vie, dans leur culture, ça fait partie d'eux. Et cette banquise, on ne peut plus la prévoir. Donc, ça, c'est un changement majeur qui a aussi des répercussions sur la vie marine. Cette diminution de banquise permet maintenant à des très grands navires de vouloir aller en Arctique de plus en plus, que ce soit pour les croisières. Donc, on a une pollution touristique qui augmente en Arctique. De plus en plus de navires qui y vont. On a très peu de cartes, hein, malgré un pays entouré de trois océans, plus les grands lacs, tout. On ne connaît très peu, on a très peu de cartographie de tous les milieux. On parle d'à peu près 7% qui est cartographié. Et ces navires vont dans l'Arctique, ces navires touristiques souvent vont dans l'Arctique sans carte, en croyant que c'est profond, mais vous voyez l'archipel. Dans les dernières années, on a toujours un navire qui va s'échouer à quelques endroits. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune conséquence néfaste, aucun blessé, aucun déversement de pétrole, mais ça nous pend au bout du nez. On a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on doit donc investir davantage dans ces milieux si on veut l'utiliser de la façon, d'une façon durable, c'est une des façons. Et ça, c'est du moins pour l'Arctique. On a vraiment des changements, des nouvelles espèces qui arrivent, des espèces qui n'étaient pas présentes avant, mais qui trouvent un peu leur seuil de tolérance. Exactement, un nouveau refuge. L'eau devient plus chaude, donc je continue à m'étendre vers le nord. On a la même chose en milieu terrestre. Toute la ligne des arbres qui s'arrêtait beaucoup plus au sud, commence à monter. Donc, on a vraiment, non pas des forêts, mais la ligne des limites des arbres commence à monter vers le nord, avec les conséquences sur plusieurs espèces qui aimaient vivre en toundra davantage qu'à la limite d'un bois. Et ça, ce sont les conséquences qu'on voit d'année en année lorsqu'on va nous-mêmes travailler dans ces secteurs-là. On a sur la côte ouest énormément de bruit. On a beaucoup de navires qui passent de la côte ouest. Vous avez sûrement entendu parler de tout le bruit et tous les tracas autour des épaulards sur la côte ouest. Il y a une petite population d'épaulards, mais de plus en plus de trafic maritime. Le son qui est produit les empêche donc de communiquer entre eux. On a la même chose avec la baleine noire du côté et l'empêtrement dans les filets de pêche. Donc, on a de plus en plus de ces interactions-là, de ces stresseurs qui sont présents parce que l'humain prend plus de place. Et je pense qu'il est important de bien l'établir pour pouvoir mieux gérer et avoir une coexistence. Il ne faut jamais oublier qu'on fait partie de cet écosystème-là. On n'est pas exclu de cet écosystème. Puis comme vous disiez au début, ça c'est pour reprendre votre jeu de mots, c'est que la partie de l'iceberg, parce qu'il y a toutes les perturbations qui sont invisibles, comme les pollutions chimiques, par exemple, du plastique, des petites billes de plastique, on ne sait pas trop où elles sont. Donc, il y a toutes ces petites pollutions un peu invisibles qu'on n'en connaît pas l'étendue, donc, et on en connaît encore moins les conséquences. Et tout à fait. Mais je ne veux pas être alarmiste, au contraire, j'aime mieux être positif. On a fait plusieurs actions très positives aussi dans le passé pour les océans. Par exemple, la création de zones de protection marine, de parcs marins. Aussitôt qu'on crée un parc marin, on a un effet un peu domino en cascade qui n'est que positive. Donc, et ce sont des actions. On a diminué pour le Saint-Laurent le phosphore. On se rappelle de nos lessives au phosphore il y a encore une dizaine d'années et maintenant, ceci a diminué. Mais bien entendu, comme on fait plus de recherches, on découvre d'autres petites molécules ou autres qui viennent influencer, mais on a des actions. Il faut le faire peut-être plus rapidement et non pas attendre que des élections, mais c'est donc important de suivre ces grands changements-là dans l'environnement. Je vois qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur les océans qui entourent le Canada, mais c'est déjà un beau plongeon que vous nous avez fait faire. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie du professeur Philippe Archambault, de Joannie Ferland, assistante de recherche, et Elliot Drejoux, étudiant au doctorat, et tous les trois membres de TACUVIC à l'Université Laval. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.